Chapitre 29. D'autres réminiscences. Durant les années 1916-1917 et la première partie de l'année 1918, l'Allemagne possédait un dieu et une idole. Le dieu, c'était l'empereur Guillaume, et l'idole, Hindenburg. On se rappelle que Hindenburg était un général en retraite, qui menait une vie paisible à Hanovre, lorsque l'empereur le tira de sa vie relativement obscure pour lui donner le commandement des forces allemandes en Prusse orientale. Les Russes occupaient à cette époque une partie des provinces prussiennes de la Baltique. L'empereur, en examinant les thèses faites par les différents généraux allemands, avait découvert que Hindenburg, un quart de siècle auparavant, avait traité, dans la sienne, de l'invasion de la Prusse orientale. Il fit donc mander Hindenburg et lui imposa la tâche de libérer le territoire oriental de l'Allemagne de l'occupation russe. On sait que Hindenburg s'acquitta de cette tâche victorieusement, et qu'il acquit, surtout à la suite de la fameuse bataille de Tannenberg, une renommée qui surpassait celle de tout autre général prussien. Une pression fut alors exercée sur l'empereur par son entourage dans le but de placer Hindenburg à la tête de l'état-major. Et effectivement, par un geste de sa main, l'empereur Guillaume destitua von Falkenhayn, qui était chef d'état-major à cette époque, et le remplaça par Hindenburg. La victoire de Tannenberg fut suivie de plusieurs autres, entre autres celle de Roumanie. Et c'est alors que, ne pouvant contenir plus longtemps son enthousiaste admiration pour Hindenburg, la population de Berlin décida de lui élever un monument colossal dans un endroit public. Ce témoignage d'estime populaire prit la forme d'une statue de bois de 41 pieds de hauteur, construite au bout de l'avenue de la Victoire, au pied de l'immense colonne dite de la Victoire, laquelle avait été construite après la guerre de 1871 pour en perpétuer le souvenir. Il m'a été donné à plusieurs reprises, au cours des sorties qu'il m'était permis de faire, durant ma dernière année de captivité, de voir avec quelle vénération on entourait ce monument informe et sans grâce, au centre du Tiergarten. Deux fois par semaine, comme je l'ai dit plus haut, j'allais faire une marche au jardin, accompagné par un sous-officier, et je ne manquais jamais de diriger mes pas du côté de cette statue. Un grand nombre de personnes, plus particulièrement des vieillards et des femmes, accompagnées d'enfants, se pressait au pied de la colonne, près de cette statue de bois. On la regardait, on l'examinait, on avait l'air d'en admirer et les proportions et les qualités artistiques. Mais ce qu'il y avait de curieux et d'intéressant, c'était le moyen qu'on avait inventé de prélever au moyen de ce nouveau cheval de Troie un fonds quelconque de charité. Un échafaudage entourait la statue, échafaudage qui permettait à chacun de monter jusqu'à la tête et de contempler de près les traits sévères de la figure du grand général. Au bas de cet échafaudage était installé un contrôle quelconque, où l'on vendait des clous, et il était loisible à chacun de se procurer un clou moyennant un marc, 0,25 shillings. Tout propriétaire d'un clou recevait un marteau, et le grand privilège consistait à enfoncer le clou dans la statue. Les enfants en particulier adoraient ce sport. Ils se pressaient bruyamment autour de la statue, attendant leur tour, munis chacun dans sa petite main de la pièce d'argent qui devait payer le clou. La cérémonie de l'enfoncement d'un clou revêtait un caractère particulier de patriotisme. Aussi, il fallait voir avec quel orgueil l'enfant redescendait de son opération. Les vieillards et les mères applaudissaient le gamin. On a ainsi prélevé des sommes considérables. Et c'est le cas de le dire, Hindenburg fut littéralement criblé de clous. On pouvait choisir son endroit particulier, les pieds, les jambes, le tronc, les bras ou la tête. J'ai cru cependant constater que pour la tête, on se servait de clous à tête de cuivre, du moins à cette époque où le cuivre n'était pas encore si rare en Allemagne. Les revues artistiques de Berlin ne s'étaient jamais étendues très longuement sur les qualités artistiques du monument. Il était en vérité affreux. Mais une polémique s'engagea un jour dans les journaux entre deux sculpteurs, qui prétendaient l'un et l'autre avoir été le père de cette idée géniale. Quelle ambition ! Il n'est pas exagéré de dire que la popularité dont jouissait Hindenburg en Allemagne l'emportait visiblement sur la vénération dont on entourait la personne de l'empereur. Et même j'ai entendu plusieurs sous-officiers me dire confidentiellement que Hindenburg était beaucoup plus populaire que l'empereur. Cet ascendant que prenait Hindenburg sur l'imagination populaire ne cessait pas d'inquiéter l'empereur lui-même. Aussi, à chaque nouvelle victoire de Hindenburg, Guillaume s'empressait d'accourir sur le champ de bataille, et de l'endroit, il lançait une dépêche à l'impératrice, comme pour faire comprendre à son peuple qu'il était véritablement le génie stratégique, responsable du succès. C'était à ce point que lorsqu'une opération militaire se développait favorablement pour l'Allemagne, soit en Galicie, soit en Roumanie, nous savions prédire un jour ou deux à l'avance qu'une dépêche sensationnelle serait publiée dans les journaux, venant du Kaiser à l'impératrice, et nous nous trompions rarement. Parmi les prisonniers de nationalité anglaise détenus à la Stadtvogtei, il s'en trouvait un dont on a bien des fois soupçonné les sympathies exagérées pour la cause de l'Allemagne. Il était devenu fort impopulaire et beaucoup d'Anglais refusaient de lui parler ou même d'avoir avec lui quelque rapport que ce soit. Un jour toutefois, M. Williamson, dont il a été question dans un chapitre précédent, avait été appelé au bureau pour y recevoir un colis de provisions justement arrivé d'Angleterre. Au bureau, après l'examen de son colis, on le lui remit et on lui demanda d'apporter, chemin faisant, au quatrième étage où se trouvait la cellule de cet autre Anglais, un second colis à son adresse. Williamson, qui parlait un peu l'allemand, refusa formellement de se charger de ce colis, en disant aux sous-officiers de service, et en présence d'autres sous-officiers, « Je n'apporterai pas ce paquet, je ne veux rien avoir de commun avec ce bloody German. » Elle disparut avec son propre colis. L'affaire fit sensation car les sous-officiers rapportèrent cette remarque peu sympathique faite à l'endroit d'un prisonnier. Le lendemain, tous les prisonniers de nationalité anglaise étaient invités à se rendre à une cellule au rez-de-chaussée. Et là, l'officier lui-même, en charge de la prison, nous adressa à tous des remontrances très sévères. Il dit en particulier qu'il n'espérait pas de nous que nous renoncions ouvertement à nos sympathies pour l'Angleterre, mais qu'il ne tolérerait jamais que l'on fît à l'endroit de l'Allemagne une remarque désobligeante. Il citait en particulier le cas de Williamson et aussi celui de M. Kate, qui, disait-il, était né en Allemagne, avait profité de l'hospitalité germanique, avait reçu son éducation dans les écoles publiques de l'Empire, et qui cependant manifestait chaque fois que l'occasion s'en présentait son antipathie à l'endroit de sa patrie d'adoption. Il nous menaça. Ceux qui se rendaient coupables de ces remarques déplacées seraient sévèrement punis. Cette démarche de l'officier Bloch indisposa fortement les prisonniers anglais, et deux d'entre eux, dont je désire taire les noms, lui organisèrent ce qu'on est convenu d'appeler en langage vulgaire une scie. Par un stratagème des plus habiles, une des clés passe-partout avait été chipée à un sous-officier. Cette clé pouvait ouvrir toutes les portes à l'intérieur de la prison, mais ne s'ajustait pas sur la serrure de la porte extérieure. Munis de cette clé, nos deux prisonniers conçurent l'idée d'embêter magistralement l'officier lui-même. On parvenait avec beaucoup de difficultés, il est vrai, mais on réussissait quand même à se procurer, deux fois par semaine, une copie du Daily Telegraph de Londres, malgré la défense expresse d'introduire un journal anglais ou français dans la prison. Ce journal, ai-je besoin de le dire, faisait le tour des cellules des Anglais, et quand tout le monde l'avait lu, l'opération était couronnée par une fumisterie de haute alloi. Au moyen de cette clé, que l'on gardait soigneusement cachée, la porte de l'officier était ouverte, soit durant le déjeuner, alors qu'il était absent, soit durant les dernières heures de la journée, alors qu'il avait déjà quitté la prison, et le Daily Telegraph était placé sur le pupitre. La deuxième journée, l'officier entra dans une grande colère et plaça un sous-officier à sa porte pendant son absence. On ne fut pas rebuté pour si peu. Comme j'ai tenté de l'expliquer antérieurement, la partie de la prison que nous habitions était triangulaire. À 7 heures, le soir, un sous-officier commençait à fermer les portes. Il fermait d'abord un côté du triangle, s'engageait ensuite, après avoir doublé l'angle, dans le second côté. C'est à ce moment qu'un des prisonniers occupant une cellule au troisième côté, encore ouvert, venait subrepticement avec la fameuse clé ouvrir une porte, donner la clé à l'occupant et retourner en toute hâte à sa cellule. Tout cela se faisait assez vivement et sans que le sous-officier, qui fermait les portes à clé, pût s'en apercevoir. Il terminait le troisième côté du triangle, il croyait alors que tout le monde était enfermé, puis il disparaissait de la prison. C'est durant les heures de la soirée ou de la nuit que le prisonnier anglais, porteur du Daily Telegraph et muni de la clé, parvenait à glisser sa copie de nouveau sur le pupitre de l'officier, qui occupait une chambre au bout du corridor. Il revenait à sa cellule et sa porte restait toute la nuit dans cet état. Le matin, le sous-officier commençait à ouvrir les portes, en rebroussant le chemin qu'il avait fait la veille au soir, invariablement. Le même prisonnier, sortant de sa cellule le matin, se hâtait vers le côté du triangle encore enfermé, recevait la clé de celui qui avait fait l'opération nocturne, donnait un coup à la serrure, revenait à sa cellule, en sorte que lorsque le sous-officier arrivait au dernier côté du triangle, il trouvait toutes les portes encore fermées. Ce stratagème dura une dizaine de jours et amusa tous les autres prisonniers de la Stadtvogtei. plus que je ne saurais le dire. L'officier prit toutes les mesures imaginables pour pincer le coupable, mais heureusement, n'y parvint jamais. Lorsqu'on put constater qu'une sentinelle était placée en permanence à la porte de l'officier durant la nuit, force fut au propriétaire de la clé d'abandonner la fumisterie. La Turquie fut notablement représentée à la Stade Vodkte pendant une couple d'années. Il s'agit ici de deux Turcs, un nommé Rachid et l'autre Tagère. Rachid était un jeune homme, il pouvait avoir 35 ans. Il habitait une cellule à l'étage supérieur et était en claustration. On l'avait coffré parce que, lors de son passage en Allemagne, il avait manifesté ses sympathies trop ouvertement pour la France. Tout comme M. Tagère, il avait reçu une éducation française et avait vécu à Paris un grand nombre d'années. Ce pauvre Rachid, au secret tout le jour, n'avait pas reçu la permission de lire ou de fumer. Mais plusieurs d'entre nous, mis au courant de sa grande misère, parvinrent à lui passer des livres français, des cigarettes et aussi de la nourriture. Le professeur Henri Marteau, célèbre violoniste, était particulièrement touché des malheurs de Rachid et le grand artiste, qui avait reçu la permission de jouer dans sa cellule, située dans les derniers temps de sa captivité, au côté opposé du triangle où demeurait Rachid, se prêtait de bonne grâce chaque soir à tirer de son instrument de merveilleux accords pour soulager l'âme du pauvre Turc au secret. Une nuit, j'étais appelé auprès de Rachid. Il était fort malade. Et comme je causais avec lui en français, je pus obtenir beaucoup de renseignements, sans que le sous-officier y entendît goutte. Rachid se croyait oublié entièrement par les autorités militaires. À cette époque-là, il avait été renfermé plus de 4 mois et n'avait jamais été capable d'obtenir une raison quelconque de ce traitement inhumain. 5 mois environ après sa claustration, il fut conduit au bureau du général von Kessel, commandant en chef dans les marches de Brandebourg. Rachid, avec qui je causais le lendemain de cette entrevue, me relatait les incidents de sa conversation avec le grand général. Von Kessel lui avait annoncé qu'il serait libéré bientôt, qu'il repartirait par l'express des Balkans à destination de Constantinople. Il lui posa entre autres la question suivante. « Depuis combien de temps êtes-vous à la prison ?»« 162 jours, » répondit Rachid. « Combien de temps avez-vous été au secret ?» répartit le général. « 162 jours. » Éclat de rire du général. « 162 jours !» s'exclama-t-il. « Mais comment cela se fait-il » « Je l'ignore, » répondit Rachid. « Voilà qui est curieux, voilà qui est curieux, voilà qui est curieux, » dit à 3 reprises le commandant en chef prussien. Sans plus ample renseignement, il renvoya Rachid à la prison. Enfin, quelques jours plus tard, Rachid nous quittait pour un monde meilleur. On l'avait oublié. Quant à M. Tagère, c'était un homme d'environ 50 ans qui était venu à Berlin muni d'un sauf-conduit du ministre allemand en Suisse. Il devait retourner en France, à Paris, où il demeurait. Mais un beau matin, il était appréhendé. On l'amena à la Stade Vodkte et il ignora lui-même, durant toute sa captivité, qui se prolongea durant des mois, quel était le motif de son internement. Pour ma part, je n'en vois pas d'autre que ses sentiments francophiles. Un jour, on lui annonça qu'il quitterait la prison pour un camp d'officiers français. Le jour de son départ avait été fixé au 7 décembre 1915. Durant son court séjour, quelques mois parmi nous, M. Tagère avait conquis l'estime de tous les prisonniers, de nationalité anglaise. J'étais le seul cependant à qui il se soit couvert d'une confidence à son sujet. Il m'avait appris un jour, sous le sceau du plus grand secret, qu'il était grand rabbi du Turkestan. À juger par la façon dont il prononçait ces mots, on aurait pu croire que ce titre en pays mahométan équivalait à celui de Lord, en Angleterre. Il me supplia de n'en desserrer les dents à qui que ce soit. Toutefois, les Anglais s'étaient réunis dans une cellule et avaient décidé de lui offrir un déjeuner à la prison le jour de son départ. Offrir un déjeuner à la prison, quelle entreprise formidable! Le jour convenu, une table était préparée à ma cellule pour une 15aine de couverts. Les assiettes, ai-je besoin de le dire, étaient fort rapprochées l'une de l'autre. À 1 heure, 3 d'entre nous se détachent et vont quérir M. Tagère, qui ne sait du tout comprendre ce dont il s'agit. Avant le déjeuner, j'avais fait part à mes collègues anglais de mon intention de leur révéler, au moment des toasts, que notre hôte M. Tagère était grand rabbi du Turkestan. Et bien que cette appellation fût du grec pour moi, comme pour ceux qui m'écoutaient, je ne manquais pas de persuader à chacun de faire à cette déclaration un accueil enthousiaste, enfin toute une démonstration. Le déjeuner tirait à sa fin, lorsque je me levais pour proposer la santé de M. Tagère. Je ne pus terminer mes remarques sans prévenir mes auditeurs que j'allais faire éclater une sensation au milieu d'eux. J'annonce solennellement qu'il était de mon devoir, malgré la modestie bien connue de M. Tagère, de faire connaître un de ses titres au respect et à l'admiration universelle. Monsieur Tager, dis-je, est grand rabbi du Turkestan, ce qu'il nous a toujours caché. Là-dessus, tout le monde se lève, grand tapage, des bravos, et selon l'usage antique et solennel, l'un d'entre nous attaque le fort He is a jolly good fellow. Nous avions à peine fini de chanter la première partie que le sous-officier Hufmeyer fait irruption dans ma cellule et nous impose le silence. Il était trop tard, nous avions donné cours à notre enthousiasme pour M. Tager. Il n'y a pas seulement Liebknecht qui est attiré sur lui les foudres de l'autorité militaire en 1915, 1916 et 1917. Je ne saurais oublier le spectacle pathétique de ce brave vieillard qui fut interné avec nous pendant bien des mois. C'était le professeur Franz Mehring, âgé de 71 ans. En avril 1915, Mehring avait lancé une proclamation en faveur de la paix immédiate. Cette proclamation portait non seulement sa signature, mais encore celle de Rosa Luxembourg et de Ledebourg. Cela suffit pour lui faire goûter un peu de la Stadtvodka. Mehring était, comme Borchardt, du groupe Spartacus. Très érudit, fin causeur, il nous fit passer avec lui des heures intéressantes et inoubliables. Ces noms de Mehring et de Borchardt, dont je n'avais gardé qu'un faible souvenir, ont pris une importance considérable depuis la Révolution en Allemagne. Mehring resta quelque temps avec nous, puis fut libéré. Il fut par la suite candidat au siège laissé vacant par Liebknecht à Potsdam, où il fut défait, mais quelque temps après, sa candidature fut plus heureuse dans une division électorale de la Diète de Prusse. Il y fut élu par une grande majorité et il siège encore aujourd'hui au Parlement.